barrer ton coucouta des zones. Ok. Chaleur à la côte à Paris. Zenga de ma chafate. Photo Richard. Maître Emery Patrick Gatti. Ah, Baninga Batuna Kangatina Ninigana de la Kabo. Seko kanisa vivida faranangai Gestino Nduaji na ya God Bate la matea na pesa kayo mama Olanda te masoma kole kayo Banguna baligi ba baby sabolingo Kosa la makasito bandi sabanguna Bolingo ya bilenge esenge libo yo kani yo yo Yoka obilo bela yabato No kite yoko baby sa confiance na pesa yo mama Innocent Jembo Johnny Langi Espoir nanga nyoso se pa ina yo vivi Chika kako yoka obilo bela yabato No kite yoko baby sa confiance na pesa yo mama Maître Kengoye Espoir number one Bondelia vivi na faranga Rosali mama ya banana Salape to bukolo bana yo etoposi Pololo ya papa na bondelia Ezali sumate na denge to bukolo jele na faranga Ganda atipo na oseyashe Na bondelia vivi na faranga Rosali mama ya banana Oyanga motame peli moto ya bolingo Oyanga Rosalie, maman Arvel. Maïe, maïe, balé, ma coquine, ma consomme à caté. Mon topé à cocoufa, à consomme à caté. Côté tchèque, papa n'a rien. Maman, y'a banana, n'aïe, canisa passio. Même en colonne à cocoufa. Bana Interpol, une et maman a domi. Foro foro. Babiandonga chokoro. Lela. Mani bina boye. Mosala boye maye. Saya matongi. Bomba na mamwa kala. Mamba me peye matongi. Bina peye posuwa tele. Na babiandonga o. Mwa oli lele o. Bana parie. L'empereur Stalolo, dans le code de Tchèque. Tous à la Kina, petit Ignace Péelongo, sans oublier Zeko Dafara, le petit trésor satellite, Bojansi, la Silva Skoda Kokebao. A chaque fois, sur Bayangase, tous au Kola Naboule sur Poule, avec le grossage Mwanga Samataba.